Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 73. De la détraction. Définition de la détraction. Est-elle un péché mortel? Sa gravité. De celui qui écoute le détracteur. 1. La détraction consiste à déchirer par des paroles secrètes la réputation du prochain. Le détracteur, a dit l'Esprit Saint, est semblable au serpent, il mord sans bruit. Ecclésiaste 10, 11. Tandis que la contumélie prononce ouvertement et en face des paroles qui outragent une personne en son honneur, la détraction, décelant encore plus de crainte que de mépris, profère secrètement les mêmes paroles pour donner une mauvaise opinion des gens. On l'a très bien défini, le dénigrement de la réputation du prochain par des paroles secrètes. Note. Si les paroles du détracteur sont appelées secrètes, ce n'est pas qu'elles soient secrètes, absolument parlant, elles le sont seulement pour la personne absente, qui en ignore l'auteur, car, dans la détraction, on parle mal de quelqu'un, en son absence, devant plusieurs personnes, ou devant une seule, ce qui est encore porté une certaine atteinte à sa réputation. On mérite le nom de détracteur, non pour manquer de véracité, mais pour amoindrir, directement ou indirectement, la réputation du prochain, directement, en lui attribuant faussement de mauvaises actions, en exagérant ses fautes, en révélant celles qui sont secrètes, ou en travestissant ses intentions, indirectement, en niant le bien qui est en lui, en taisant ce bien avec malice, ou en le diminuant. Fin de la note. 2. La détraction est-elle un péché mortel? Dieu, dit l'apôtre, elle est détracteur. Romains 1, 30. Celui-là est, à proprement parler, coupable du péché de détraction qui parle d'un absent, dans le but de déchirer sa réputation. Or, enlever à quelqu'un la réputation dont il jouit est une chose extrêmement grave. De tous les biens temporels, la réputation est le plus précieux, en la perdant, on se trouve dans l'impuissance d'accomplir une multitude de bonnes actions. Aussi l'Esprit Saint nous dit, efforcez-vous d'avoir une bonne réputation, c'est un bien qui vous sera plus utile que 1000 trésors, si grands et si précieux qu'ils soient. Ecclésiastique 41:15. Il n'en faut pas davantage pour montrer que la détraction proprement dite est, par elle-même, un péché mortel. Mais il arrive souvent que, sans avoir l'intention de nuire à une personne, on prononce, dans un autre but, des paroles qui blessent sa réputation. La détraction, dans ce cas, n'est ni directe, ni formelle. Elle est seulement matérielle et accidentelle. Si ces paroles sont dites pour le bien ou par nécessité avec les conditions voulues, elles ne constituent ni péché, ni détraction. Procèdent-elles de la légèreté de l'esprit ou d'une cause que la nécessité ne justifie pas? Tout ce que l'on peut en dire, c'est qu'elles ne sont pas des péchés mortels, moins qu'elle ne blesse d'une manière si grave la réputation du prochain, surtout en ce qui concerne l'honnêteté, que l'on ne doive les considérer, d'après leur nature même, comme des fautes graves. Le détracteur est tenu à rétablir la réputation, tout ainsi que le voleur est tenu de restituer le bien qu'il a dérobé. Note. La détraction est un vice très répandu dans la société, où, selon l'expression de l'Écriture, le nombre des insensés est infini. Il y a bien peu d'hommes qui, par légèreté d'esprit ou par précipitation de la langue, ne laissent échapper des paroles, capables de diminuer, du moins en matière légère, La réputation du prochain. C'est ce qui a fait dire à Saint Jacques, « Celui qui ne pèche point en parole est un homme parfait. » Jacques 3:2. Fin de la note. 3. La détraction est-elle le plus grave de tous les péchés qui se commettent contre le prochain? La grandeur de nos péchés contre le prochain s'apprécie par le préjudice qu'il lui cause, et ce préjudice, à son tour, se juge par l'importance du bien qu'il fait perdre. Il y a pour l'homme trois sortes de biens, le bien de l'âme, le bien du corps et les biens extérieurs. Le bien de l'âme, le plus grand de tous, ne peut nous être ravi que d'une manière occasionnelle, par exemple, au moyen d'un mauvais conseil, ce qui ne détruit pas notre liberté. Les deux autres, celui du corps et les biens extérieurs, peuvent nous être enlevés par la violence. Mais, comme le corps l'emporte sur les biens extérieurs, les péchés qui y portent atteinte sont plus graves que ceux qui nous nuisent seulement dans les biens extérieurs. De là résulte que, de tous les péchés qui se commettent contre le prochain, le plus grave est l'homicide, qui détruit une existence actuelle. L'adultère vient ensuite, comme troublant l'ordre légitime par lequel un homme entre dans la vie. Pour ce qui est des biens extérieurs, la bonne réputation, qui se rapproche davantage des biens spirituels, l'emporte sur les richesses, et, par conséquent, la détraction est, dans son genre, un péché plus grand que le vol, bien qu'elle n'égale pas l'homicide et l'adultère. Cet ordre de gravité, on le conçoit, se modifie par certaines circonstances aggravantes ou atténuantes qui se prennent des dispositions intérieures de chacun des hommes. Pécher avec délibération étant une faute plus grande que celle qui a lieu par faiblesse ou par mégarde, les péchés de parole, que la langue, prompte à parler, commet souvent sans préméditation, ont par cela même une certaine légèreté. 4. Celui qui tolère le détracteur en l'écoutant pêche-t-il grièvement? Saint Paul a dit, non seulement ceux qui commettent le péché sont dignes de mort, mais encore ceux qui l'approuvent par leur consentement. Romains 1, 32. Il est clair que celui qui écoute volontiers la détraction y consent et participe au péché. S'il la provoque ou y prend plaisir en haine de la personne qui en est l'objet, il pêche autant que le détracteur, et quelquefois plus. De savoir, dit Saint Bernard, lequel des deux est le plus coupable, du détracteur ou de celui qui l'écoute, il ne me paraît pas facile de décider cette question. Lorsque, sans y prendre plaisir, il omet de la repousser par crainte, par négligence, ou même par une certaine honte, il pêche encore, mais beaucoup moins que le détracteur. Sa faute est ordinairement vénielle, quoiqu'elle puisse aller au péché mortel, soit à raison d'une obligation spéciale de corriger le détracteur, soit à cause de quelque danger futur. Soit parce que le respect humain lui-même est parfois un péché mortel. Note. Faut-il toujours arrêter le détracteur, en l'accusant d'erreur ou de mensonge? Non, surtout si l'on sait que ce qu'il dit est vrai, mais nous devons lui faire observer qu'il a tort de déchirer la réputation de son frère, ou du moins lui laisser apercevoir par un certain air de tristesse que sa détraction nous déplaît. Le visage triste, dit la Sainte Écriture, met un frein à la langue du détracteur. Proverbe 25, 23. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.